mon parcours. Photo, je le connais par cœur. Je peux juste être dans la tour. Imagine, je le garde. Posé dans l'escalier. J'étais bloqué l'ascenseur. Est-ce que je me suis lancé? J'y vais jusqu'à pas d'heure. J'ai plein de choses à dire. Beaucoup trop rêveur. C'était pas du tout facile. T'es pas à la hauteur. Je remercie mon quartier. Je remercie le créateur. Pas mon fils, c'est un homme. Depuis personne, il a peur. Insolent, on sait où il y a du bénéfice. On est ensemble, on le fait et on se divise. Dans ma chambre, mon ref est à l'abri. Il fait froid comme à Moscou. Mon pétard vient de Russie. Short, je me balade et je suis cramé. On n'est pas pareil, pas les mêmes, on parie. Et on parie qu'on est paro, on est pareil dans tout Paris. Je suis parano, va raconter ta vie aux autres. Je prends qu'un numéro et direct j'en prépare un autre. Les histoires sont fausses, ta vie n'est pas rose. Je vais prendre un coup de crosse, dès le matin à l'aube. 24 carats sur le zen, zen, zen. Bordel, quand je le fais sur la scène, scène, scène. Et je repars à la guerre et ça fait bang, bang, bang. Je suis dans le Tchéka, ça joue au car. Reste à pédale, je suis au repas. C'est nous les honneurs, j'attends mon heure. À qui tu me compares, moi je suis pas des leurs. Et qui je suis, qui tu es, qui nous sommes. On serait aussi à dans moi et jamais croquer la pomme. Et chaque moteur s'abîme, mais je m'en mets plein les poches. Et je suis en tête d'affiche, et je cogite dans les loges. Merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci,